Chapitre 20. Laissez faire les spécialistes. 5 avril, 21 mai 2004. Quand Harry revint dans la salle d'interrogatoire, Pritchard et Truston récupéraient des précisions supplémentaires. Lieu où se déroulaient les courses clandestines, identité de l'organisateur des paris, somme exacte dérobée, etc. Il était 14 heures passées lorsqu'ils enfermèrent Dorian Zonko dans une cellule du ministère et qu'ils retournèrent au service de la police magique pour mettre en place diverses opérations en vue d'exploiter tous les renseignements qu'ils venaient de récupérer. Il fallut ensuite écrire le rapport préliminaire dont Fawcett aurait besoin pour répondre aux questions qu'on ne manquerait pas de lui poser. La victime était connue, le père du meurtrier ne l'était pas moins, cela serait sans doute largement commenté par la presse. Quand Harry reçut la permission de rentrer chez lui, il était épuisé, tant physiquement que moralement. Il s'effondra sur son canapé et se versa un fond bien tassé de whisky pur feu. Ginny vint rapidement le rejoindre. « J'ai entendu dire que vous aviez attrapé le meurtrier » commença-t-elle d'une voix excitée. « Bravo, mon chéri !»« Meurtrier, c'est beaucoup dire. Il n'a même pas fait exprès, cet imbécile !» ragea Harry. Cela faisait 3 semaines qu'il traquait l'auteur d'un homicide et il se retrouvait avec un maladroit. Ginny le considéra un moment et commenta d'un ton ironique. « Merlin, si les assassins ne sont plus assoiffés de sang, où va le monde ?» Harry la regarda, d'abord agacé par l'ironie de sa réponse, puis reconnut la justesse du raisonnement. « Je suppose que je devrais me réjouir, » convint-il. « C'est seulement que... » Il dut s'interrompre, le temps de mettre des mots sur ses sentiments. « Quand j'ai expliqué à Zonko ce qui s'était passé, j'ai eu l'impression de l'assassiner. Et j'en veux à son fils d'avoir été assez crétin pour faire autant de mal à un vieil homme malade. « C'est ça aussi, la famille, » dit Ginny, songeuse. Ils entendirent des pas énergiques dans le vestibule et Bill entra dans la pièce. « Tu veux connaître les dernières nouvelles de chez Gringotts ?» demanda-t-il sans préambule à Harry. « Si c'est pour m'apprendre que les Aurores ont procédé à une arrestation ce matin, je suis déjà au courant. Merci. Tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé ensuite ? Juste une bière au beurre, merci, » répondit-il au signe que lui faisait sa sœur. « Je t'écoute, » lui fit Harry. Les gobelins sont des créatures consciencieuses. Quand ils ont vu un de leurs clients se faire alpaguer, ils ont immédiatement passé son compte au peigne fin. Et devine ce qu'ils ont découvert. Qu'il recelait de l'argent volé ? Il était temps, » s'exclama Harry. « Ça, ils s'en fichent. Tu peux vendre de la poudre de lutin ou assassiner ta vieille tante pour hériter. Pour eux, un galion, c'est un galion. » « Tiens, ça me donne des idées pour la tante Muriel, » commenta Ginny. « Depuis le temps qu'on attend son diadème et qu'on n'a que des remarques désagréables à la place. » « Alors, qu'ont découvert tes patrons ?» recentra Harry. « Qu'il y avait 4 jours entre la remise de l'argent moldu et le crédit des galions correspondant sur le compte de Zonko. »« Ce n'est pas normal ?» demanda Ginny. « Non, c'est 2 jours selon la procédure. » « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» s'enquit Harry. Que le gobelin qui encaissait la somme la gardait 2 jours pour lui. Qu'est-ce qu'il en faisait ? Ce que fait la banque dans les 2 jours de délai habituels, faire fructifier l'argent. Il devait avoir une combine qui demande de bloquer des fonds pendant 48 heures. Les procédures financières gobelines sont très complexes, Harry. Crois-moi sur parole. Mais tu ne l'avais pas remarqué quand tu as regardé ? S'étonna Harry. Non, les dates sur le registre étaient post-datées. Le décalage ne pouvait se voir qu'en comparant les mentions avec d'autres documents auxquels je n'ai pas accès. « Et c'est si grave, ce décalage ?» demanda Ginny. « Il est absolument interdit de faire ce genre d'opération dans son coin. Seule la banque a le droit de s'enrichir de cette façon. Une partie des bénéfices qui en découlent est reversée sous forme de primes à tous les employés. Gobelins, je le précise. Se débrouiller pour avoir une plus grande part de gâteau est parfaitement prohibé. C'est même considéré comme immoral. On vole les clients, on vole les humains, mais les gobelins sont réglo entre eux. Tout ça pour dire qu'un certain Ramok, préposé au guichet des devises, a été traîné dans le bureau du grand patron et y était encore quand je suis partie. Très mauvais signe pour lui. « Ah, il y a un élément qui est plus clair !» s'exclama Harry. Zonko nous a raconté qu'il était allé à la banque pour obtenir un prêt, et que le fameux Ramok lui a indiqué qu'il était refusé. Ensuite, il l'a incité à verser de l'argent moldu en prétendant que le taux de change était avantageux. Avec mes collègues, on se demandait ce qui avait amené la banque à refuser un prêt à un membre d'une famille aussi aisée. « Je ne vois aucune raison d'agir ainsi », confirma Bill. « Bon sang !» fit Harry d'une voix dégoûtée. « Je suis certain que ce Ramok n'a pas transmis la demande et qu'il l'a rejetée de son propre chef pour le pousser à verser du liquide moldu. Vous vous rendez compte que si Zonko avait obtenu son prêt, Whitehorn serait toujours vivant ?» Dans le silence écœuré qui s'ensuivit, Ron et George débarquèrent à leur tour. « C'est vrai que c'est le fils de Zonko qui a fait le coup ?» claironna Ron en entrant dans le salon. « Ouais, » répondit Harry. « C'est vrai que c'est toi qui l'as arrêté ?» demanda George. « Je n'étais pas tout seul. »« Mais pourquoi il a fait ça ?» interrogea Ron. Harry fit un résumé de ce qu'il avait appris dans la journée pendant que Ginny faisait tourner les bouteilles de bière au beurre. « Quel gâchis !» grogna Ron. « On aurait pu avoir un excellent maître de guilde et à cause de cette histoire, on va garder ce vieux crouton de flamel. »« Tu es sûr qu'il n'est pas mêlé à ça ?» Harry secoua négativement la tête. « Cette famille nous porte la poisse !» décréta Ron. « Tu te rappelles, Harry ? En première année, on a perdu la coupe de Quidditch à cause de son ancêtre, Nicolas. C'est bien des Français, tiens. Toujours à nous attirer des ennuis, ces mangeurs de grenouilles. Ah oui ? Fini de s'étonner Bill. Ouais, bon, battit en retraite Ron. En attendant, son descendant a encore sévi. Vous n'avez rien d'autre à lui reprocher ? Il faisait quoi, pendant la guerre ? Je n'en sais rien. Par contre, il est loin d'être blanc comme neige. La police magique pense qu'il ne suit pas les règles d'attribution normale des contrats et reçoit même des dessous de table pour désigner des entreprises. C'est vrai ? Vous ne pourriez pas le rendre public ? Je ne crois pas, regretta Harry. Comme personne ne veut parler, ils n'ont pas assez d'éléments à charge pour le coincer. Tu ne peux pas me donner des détails, au moins ? On pourrait l'interpeller en séance là-dessus. Ron, si tu n'as pas de preuves, il pourrait t'attaquer pour diffamation, le prévint George. Mais il faut bien mettre les autres au courant. Tu te souviens de Capper, qui a fait faillite l'année dernière ? Demanda George à son frère. Bien sûr. Il avait essayé de protester quand la rénovation du hameau de Tinworth a été attribuée à Yodel. D'après Ridgeby, le gérant de la brocante magique, on l'aurait fait plonger par mesure de rétorsion. Alors, avant de lancer des accusations, pense à notre affaire, petit frère. Mais il ne me fait pas peur. Et puis, ce ne sont que des ondits. Capper ne m'a jamais paru très compétent. Quoi qu'il en soit, Flamel a beaucoup d'alliés, le raisonna Georges. Et tous ceux qui ont craché au bassinet n'ont pas intérêt à ce qu'on remue trop la boue. Quant aux autres, ils ne te suivront pas parce qu'ils n'ont pas envie de tremper dans un scandale qui salirait la réputation de la guilde. Alors, on ferme sa gueule et on le laisse continuer ? S'indigna Ron. Tant qu'on a autant à perdre et si peu d'éléments pour assurer notre coup, je ne vois pas ce qu'on peut faire. La meilleure façon de procéder parut soudain lumineuse à Harry. Il se mit à rire doucement. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» lui demanda Ron avec humeur. « Je connais quelqu'un qui n'a pas besoin de preuves pour être crédible. « Présente-le-moi » exigea Ron. « Tu la connais, » sourit Harry. Les quatre têtes rousses présentes dans la pièce se creusèrent la cervelle pour deviner le nom de la perle rare. « Rita Skeeter, » comprit soudain Ron. « Ça lui ferait un article du tonnerre !»« Exactement. Je suis certain qu'elle trouvera assez de vérité et d'invention pour ruiner durablement la réputation de Flamel. Faut laisser faire les spécialistes, mon vieux. « Et tu crois qu'elle accepterait de le faire, sachant que ça nous rend service ?» s'inquiéta Ron. « Je vais demander à mon patron de lui en toucher deux mots, » proposa Harry. « Ils ont passé un marché, elle ne pourra pas refuser. »« Harry, tu es presque aussi génial qu'Hermione, » déclara solennellement Ron les yeux brillants. Harry savoura la force de cet hommage. Ce n'est que le lendemain matin que Harry comprit l'étendue de l'arrestation qu'ils avaient opérée. Entre la cheminée de l'atrium et l'ascenseur, toutes les personnes qu'il croisa ne parlaient que de ça. « L'enquête tourna la farce. Dorian Zonko attrapé !» titrait la gazette. « L'héritier des farces et attrapes n'a plus le cœur à rire !» précisait le numéro spécial de Sorcier Magazine. Tandis que le chicaneur s'interrogeait. « Les six burines télépathes peuvent-elles pousser au meurtre ?» En tendant l'oreille, Harry entendit plusieurs versions différentes expliquant le crime. Rivalité amoureuse, volonté de la famille Zonko de racheter à bas prix la fabrique de balais, accord avec Flamel pour que celui-ci n'ait plus d'opposants. Harry constata avec satisfaction que rien de leurs investigations n'avait filtré. Quand il parvint au QG, Pritchard lui fit signe. « Inutile de retirer ta cape. On doit aller rendre officiellement compte du résultat de notre enquête à la famille Whitehorn. Tu as lu ce qu'il se raconte dessus ?»« Tout et n'importe quoi, » confirma Harry. « Justement, ce n'est pas plus mal tant que le dossier n'est pas complètement bouclé. Mais le commandant estime que nous devons la vérité à la famille. Par contre, on ne révèle rien des courses illégales tant que Truston n'a pas mis la main sur tous ceux qui ont trempé là-dedans. Pas un mot sur les vols chez les Moldus non plus. Inutile de donner l'idée à ceux qui ne l'ont pas encore eu. » Harry réalisa que la meilleure connaissance par les sorciers du monde Moldu rendrait ce genre de délit plus courant qu'auparavant. Il se promit d'en parler avec Kingsley à la première occasion. Harry et son partenaire transplanèrent dans la cour de la Société des balais de course Nimbus. Ils constatèrent avec étonnement que non seulement les ruines de l'atelier avaient été complètement déblayées, mais que la structure d'un bâtiment se dressait déjà en remplacement. Harry eut même l'impression que la nouvelle bâtisse était plus étendue que celle qui l'avait précédée. Berthe Kettridge vint à leur rencontre, le visage méfiant. « Nous aimerions parler à Mrs. Whitehorn et M. Quentin, » exposa Pritchard. L'employé les mena dans le bureau de la veuve, tout en leur jetant des regards nerveux et alla chercher Quentin. Après les salutations d'usage, l'Aurore Senior leur confirma officiellement l'arrestation de Dorian Zonko. « Pour être franc, nous le savons depuis hier soir, » indiqua Quentin. « Héraclès Zonko lui-même est venu nous l'apprendre et nous en a expliqué les raisons. Selon lui, son fils ignorait que mon père était dans l'atelier. » « C'est ce qu'il a affirmé, » admit Pritchard. « Il a prétendu qu'il n'y avait pas de lumière dans le bâtiment, » précisa Harry. « Est-ce possible, à votre avis ?» La mère et le fils se regardèrent. « C'est vrai que Devlin restait régulièrement dans le noir, le soir, pour sentir les odeurs de bois, » répondit Mrs. Whitehorn. Il affirmait que cela lui permettait de repérer les lots infestés de termites. D'ailleurs, aucun de nos balais n'a eu ce genre de problème. Elle secoua la tête avec accablement à l'idée que ce détail s'était encore ajouté à tous les éléments qui avaient inexorablement mené au décès de son mari. Son fils lui posa la main sur l'épaule avec douceur et se tourna vers les enquêteurs. « Je vous dois des excuses, » fit-il d'une voix contrite. « Je vous ai parlé grossièrement, pensant que votre enquête ne servait à rien. Or, c'est vous qui aviez raison de suspecter autre chose qu'un tragique accident. Merci pour tout ce que vous avez fait. » « Ce n'était que notre travail, et nous comprenons aisément que cela vous ait bouleversé, » assura Pritchard. « N'en parlons plus. Mais vous dites que Mr. Zonko est venu hier ? S'il vous importune, nous pouvons demander qu'une interdiction de se rendre ici ou chez vous soit prononcée à son encontre par le Magen Mago. » « Non, n'en faites rien, » protesta Mrs. Whitehorn. « Il a été très correct et s'est excusé au nom de sa famille. » Il a également proposé de nous indemniser complètement pour les dégâts matériels et nous a assuré qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que l'entreprise puisse continuer. C'est un homme de bien. Mon mari l'appréciait beaucoup. Tout ceci est très triste pour lui aussi. Je vous laisse en juger. Nous reviendrons vers vous quand l'enquête sera close et que tous les éléments pourront être rendus publics. Dans l'intervalle, nous vous remercions de garder les détails de l'affaire pour vous. Nous avons encore des arrestations à effectuer. Vous pouvez compter sur notre silence, affirma la veuve. Nous avons bien assez fait la une des journaux ces derniers temps. Quand ils revinrent au ministère, Harry se rendit dans le bureau de son commandant. Oui, Potter, l'accueillit Fawcett. Vous avez lu les conclusions à propos d'Aurélien Flamel ? « Ce n'est pas ce qui m'a le plus intéressé. Dessous de table, c'est ça ?»« Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais qu'on donne l'info à Rita Skeeter. Elle pourrait débloquer la situation et permettre à la police magique d'avancer un peu sur le dossier. » Fawcett le fixa un moment avant de répondre. « Tu veux ça avant les élections de la guilde, hein ?»« C'est l'idée, » convint Harry. « Tu sais ce que tu es en train de faire ? Cela aura des répercussions politiques graves. » Je pense qu'il est juste de faire notre possible pour qu'un homme malhonnête ne reste pas à la tête de la guilde la plus importante, soutint Harry. Bien, fais-moi une note de ce que tu veux lui faire parvenir comme information. Je la lui enverrai. Merci, commandant. Attends d'en mesurer les conséquences avant de me remercier, lui répliqua Fossette d'un ton qui mit Harry légèrement mal à l'aise. Le jeune Aurore se rendit dans le service de la police magique pour voir le brigadier Truston. Le policier était à son bureau, l'air assez occupé. Harry lui fait un compte-rendu rapide de sa visite au Whitehorn. « Bien, bien, » répondit le policier. « Moi, je travaille sur les courses clandestines, et cela me ferait plaisir de coincer le bookmaker. » Pour la banque, le gobelin qui récupérait l'argent moldu y gagnait, lui aussi. Ses congénères n'ont pas apprécié et ils s'en occupent. Au fait, qui est-ce qui va rendre les biens volés aux moldus ? J'ai envoyé une note au service des excuses moldues. Il devrait prendre ce dossier en charge. Il y a un fonds prévu pour ce genre de cas. Harry sentit qu'il dérangeait. Bien, je vous laisse travailler. Si vous n'en avez pas besoin, je voudrais relire votre dossier sur Flamel. Demandez à Radford, il vous le donnera. Oui, j'arrive, fit-il en direction d'un de ses subordonnés. Harry le remercia et alla récupérer les parchemins qu'il était venu chercher. De retour dans son service, il dut aider Pritchard à rédiger le rapport final et numéroter tous les procès-verbaux relatifs à l'affaire. Lorsque son partenaire partit en fin de journée, il donna un coup de cheminée au square Grimoire pour faire savoir qu'il rentrerait tard et il entreprit de relire le dossier Flamel pour constituer la note à transmettre à Rita. Quand il arriva chez lui à minuit passé, il se sentait épuisé mais satisfait. L'affaire suivit son cours. Ils réinterrogèrent le prévenu pour se faire préciser certains points et vérifier que toutes ses déclarations étaient cohérentes. Dorian Zonko était maintenant assisté d'un avocat envoyé par Héraclès, mais celui-ci n'intervenait pas beaucoup. Dorian trouvait manifestement un certain soulagement à aider les forces de l'ordre dans leurs recherches et n'essayait pas de cacher quoi que ce soit de ses propres turpitudes. Il avait cependant beaucoup de difficultés à répondre quand les questions concernaient sa victime, comme si son esprit se refusait à reconnaître son meurtre. Pâle et en sueur, il se forçait avec effort à admettre sa responsabilité, sans s'exonérer par de fausses excuses. Harry y vit l'influence de son père. Il fallut attendre 3 semaines pour que Truston mette la main sur le créancier de Dorian. Ce dernier avait révélé tout ce qu'il savait à son égard, mais l'escroc ne lui avait pas donné son vrai nom et il avait fallu que l'enquête aboutisse pour enfin l'arrêter. La presse parla du démantèlement de courses illégales de chevaux ailés et des paris abusifs qui s'étaient organisés autour, mais sans lier l'affaire au meurtre de Devlin Whitehorn. Cela ne deviendrait public que le jour du procès. Du coup, les hypothèses les plus folles continuaient à courir sur les raisons qui avaient poussé Dorian au crime, mais c'était le moindre des soucis du ministère. Un article laissa même entendre qu'un commerçant qui proposait à sa clientèle des « produits inutiles, nuisibles, voire dangereux » qui ravalait ses utilisateurs au rang de gamins mal élevés ne pouvait qu'engendrer un enfant n'ayant aucun sens des responsabilités. Cela donna à toute la famille Weasley l'occasion d'écouter une Molly furieuse développer tout un plaidoyer sur l'utilité publique des farces et attrapes. Quand elle eut terminé, George se pencha vers Harry et lui souffla. « C'est peut-être le moment de lui révéler que c'est grâce à toi qu'on a pu ouvrir la boutique. » Harry se souvint qu'il avait prévu d'aller rendre visite à Kingsley Shacklebolt pour lui parler de l'accroissement probable des infractions à l'encontre des moldus si les sorciers étaient encouragés à mieux connaître le monde non magique. C'était toujours Mandy Brocklehurst, la voisine de Ron et Hermione, qui assurait son secrétariat. « Bonjour, Mandy, » dit Harry. « Pourrais-je voir Mr. Shacklebolt quand il aura un instant ?»« Bien sûr, Harry. Viens, je vais t'annoncer. » Elle alla frapper à la porte qui se trouvait derrière elle et dit simplement « Harry Potter » avant de s'effacer pour le laisser passer. Elle avait manifestement des consignes pour ne pas le faire attendre. Le ministre l'accueillit avec un grand sourire, heureux de le voir. « Tu vas bien, Harry ? Assieds-toi, je t'en prie. » Harry, qui avait eu des discussions importantes avec tous ceux qui s'étaient succédés au poste de ministre de la magie, songea que Kingsley était de loin son préféré. Il commença sans détour, ne voulant pas abuser de ses privilèges. Vous avez lu les rapports concernant la mort de Whitehorn ? Quelle tragédie stupide ! Commenta succinctement le ministre. Avez-vous vu d'où venait l'argent avec lequel Zonko payait son créancier ? Des champs de courses moldus. Ce garçon a une certaine éthique, dans un sens. Vous croyez que des vols sorciers chez les moldus, ça arrive souvent ? Régulièrement, oui. Mais ce n'est rien par rapport à tout ce qui est dérobé par les moldus eux-mêmes. J'ai bien peur que ce genre de criminalité n'augmente, avoua Harry. Plusieurs pistes ont été explorées pour lutter contre cela, lui affirma le ministre. Harry se sentit rassuré. Rassuré et curieux. Kingsley lui sourit et continua. Pour commencer, je pense faire évoluer le service des usages abusifs de la magie et y faire travailler des enquêteurs. N'est-ce pas là que sévit Mafalda Hopcreek ? Demanda Harry, qui n'avait pas un très bon souvenir des courriers qu'elle lui envoyait. Elle restera cantonnée aux incidents mineurs. Nous allons recruter des sorciers connaissant bien le monde moldu et formés par un passage à la police magique. Harry songea à l'agent Radford, qui avait tout à fait le profil. Il nous faut également avoir des contacts de l'autre côté de la barrière, continua Kingsley. Nous sommes en train d'établir une liste de parents de sorciers travaillant dans la police moldu. Cela nous évitera de lever le secret plus qu'il n'est nécessaire. Ils pourront nous faciliter la tâche en nous faisant parvenir les comptes rendus d'enquête. Je suis aussi en contact avec le Premier ministre Moldu et nous réfléchissons à la manière de repérer automatiquement les délits qui pourraient avoir été commis par des sorciers et de nous remonter l'info. Nous sommes en train d'établir des critères permettant à leur informatique de signaler les cas possibles. C'est le ministre dont vous avez été garde du corps pendant la guerre, Sankiyari ? Non, son successeur. Mais contrairement à la coutume qui voulait que nous débarquions ex nihilo à Dunn Street, j'ai demandé à celui que je connaissais déjà de préparer le terrain et c'est lui qui m'a présenté. Du coup, nous sommes partis sur de meilleures bases. Le fait que je sois familier avec la façon de travailler de leur ministère et que je sois conscient de leur impératif aide aussi. Je me rends compte que je me suis inquiété pour rien, remarqua Harry. Tout est prévu. On ne s'inquiète jamais de trop et toutes les idées sont les bienvenues, lui assura Kingsley. « N'hésite pas à passer me voir si tu as un souci. Je serai toujours ravi d'en parler avec toi. »« Justement, j'ai pensé à autre chose, » en profita Harry. « Vous avez dû remarquer que la conduite d'un gobelin a largement contribué à l'aggravation de cette affaire. On ne peut rien faire à ce sujet. Je pense qu'il nous doit des comptes, à nous aussi. » »« Tu fréquentes assez Hermione pour savoir que les gobelins opposent une fin de non-recevoir à toutes nos demandes. » Je suis bien conscient que plusieurs de mes services auraient bien besoin d'une meilleure collaboration avec nos banquiers. La police magique et le bureau des aurores ne sont pas les seuls dans ce cas. Mais toutes nos tentatives de discussion se heurtent à une condition préalable de leur part, qui est de leur donner le droit d'acquérir des baguettes magiques. Tu te doutes que si j'accepte ça, je perdrai mon poste dans la semaine. Pour le moment, le dialogue est complètement bloqué. « Qui s'occupe de ces tractations ?» demanda Harry. « Le bureau des affaires gobelines. » Ils ont déjà travaillé avec des gobelins ? Je veux dire, pour eux, à la banque. Je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que lorsque moi j'ai fait affaire avec un gobelin, Bill m'a donné des conseils, et tout ce qu'il m'a dit s'est révélé exact. Ceux qui sont le plus aptes à faire avancer la situation, ce sont les sorciers qui travaillent pour eux, pas les employés du ministère. Kingsley regarda Harry, les yeux plissés de concentration. « Tu devrais passer me voir plus souvent, » finit-il par déclarer. Deux semaines plus tard, s'ouvrit le procès de Dorian Zonko, soit environ un mois après son arrestation. Quelques jours plus tôt, Harry avait vu des affiches dans la vitrine d'un magasin indiquant que la compagnie des balais de course Nimbus avait repris ses livraisons. Visiblement, l'entreprise avait réussi à relancer la fabrication. Harry se demanda dans quelle mesure ils avaient bénéficié de l'aide proposée par Héraclès. Il avait été décidé de ne pas s'apesantir ni sur l'histoire des paris, dont les protagonistes seraient jugés ultérieurement, ni sur le vol chez les moldus qui avait été reconnu sans restriction par l'accusé. Ce serait évoqué pour expliquer les raisons qui avaient poussé Dorian à détruire l'atelier de la compagnie Nimbus, mais le représentant du ministère ne poserait aucune question à ce sujet. Beaucoup de personnes s'étaient déplacées pour assister au procès de Dorian Zonko. La salle prévue n'était pas très grande et nombreux furent ceux qui durent repartir sans voir le spectacle escompté. Harry et son partenaire, ainsi que le brigadier Truston, devaient y intervenir en tant que témoins. Ils attendirent d'être convoqués par la cour dans une petite salle. Quand Harry fut appelé à la barre, Il eut une grimace dégoûtée en découvrant le public entassé dans les travées. Aux chuchotements excités qui s'élevèrent, il comprit qu'il était le clou du spectacle. Alors qu'il prenait place devant les juges, il vit qu'au premier rang se tenait toute la famille de l'accusé. Héraclès, digne et raide, flanqué de sa femme aux yeux rougis. À leur côté, Léandre tenant la main d'une personne qui devait être son épouse. Le jeune Aurore exposa les conclusions de l'enquête. Ce que la cour cherchait à déterminer, c'était si l'homicide était volontaire ou non. Harry répondit de son mieux aux questions, tâchant d'être le plus neutre possible. Il était, quant à lui, persuadé que l'accusé n'avait pas voulu tuer Whitehorn, mais ce n'était pas à lui d'en juger. Il prit place sur un banc quand ce fut à Pritchard de témoigner. Harry trouva que la famille Zonko faisait preuve d'une dignité extraordinaire sous les regards impudiques de leurs concitoyens. Lorsque tous les témoins eurent été entendus, le représentant du ministère entreprit de rappeler tous les éléments à charge contre l'accusé. Il souligna la préméditation, la volonté de détourner l'attention de Whitehorn des actes délictueux que celui-ci soupçonnait. Il dépeignit un irresponsable qui n'avait pas hésité à détruire les outils de travail d'un honnête homme pour se préserver et qui, en outre, n'avait pris aucune précaution pour que son action criminelle soit sans danger pour autrui. La parole fut ensuite donnée à l'avocat de la défense, un certain Saint John Bielinski. Celui-ci souligna qu'aucune preuve formelle de la volonté de tuer ne pouvait être opposée à son client, et qu'à défaut de pouvoir démontrer l'intention d'homicide, le doute devait lui profiter. Il insista sur les remords de Dorian, sur le fait qu'il était conscient de l'horreur de son acte et que ce serait un fardeau pour lui toute sa vie. Harry considéra que le vieil Héraclès avait procuré un bon défenseur à son fils. Quand la plaidoirie fut terminée, le président du tribunal se tourna vers l'accusé. Celui-ci était assis sur son siège, le regard fixé à terre. C'était le fauteuil où lui-même avait dû s'installer pour son audition au début de sa 5e année d'école. Il remarqua avec soulagement que Dorian n'était pas entravé par les chaînes comme l'avaient été les mange-morts notoires. « Mr. Zonko, avez-vous quelque chose à dire au tribunal avant que nous ne nous retirions pour délibérer ?» demanda le juge-mage. L'homme secoua la tête d'un mouvement là. « Moi, j'ai quelque chose à déclarer !» retentit une voix forte. Tout le monde se tourna vers Héraclès Zonko qui s'était levé. Le président consulta du regard ses assesseurs et accepta. « Vous avez la parole. » Dans un profond silence, le père de l'accusé commença son plaidoyer. « Si, en ce jour, mon fils est devant vous, c'est que j'ai commis une erreur. Avant toute chose, je demande pardon à la famille de Devlin Whitehorn et à tous ceux que sa mort a plongés dans l'affliction. Mon fils a tué un homme, mais il reste mon fils, celui que j'ai tenu dans mes bras quand il était bébé, l'enfant à qui j'ai appris à parler, à lire, à se comporter en société. Je lui ai enseigné à respecter les autres et leur tendre une main secourable lorsqu'ils sont dans le besoin. Je lui ai dit de ne pas convoiter leurs biens ni de leur faire de mal. Malgré cela, mon fils a volé, mon fils a tué. Et je me demande ce qui a pu se passer pour qu'il en arrive là, alors qu'il avait jusque-là mené une vie calme et honnête. C'est lui que vous jugez aujourd'hui, mais il n'est pas le seul à avoir fauté. J'ai ma part de responsabilité dans cette tragique affaire. Je n'ai pas vu qu'il avait besoin d'aide. Quand il est venu me trouver, je lui ai tourné le dos, ne respectant pas moi-même mes principes. Je n'ai pas cherché à savoir pourquoi il avait à ce point besoin d'argent. Je n'ai entendu que le mot « dette ». Et je l'ai jugé sans tenter de le comprendre. Dans mon orgueil, je n'ai pas songé qu'il pouvait avoir fait une bêtise. Une bêtise qu'il n'avait pas les moyens de payer. J'étais tellement imbu de moi-même, tellement persuadé de lui avoir donné la meilleure éducation qu'il ne m'est pas venu à l'idée qu'il ait pu trébucher. Il a été lâche, il a été faible. Il a utilisé son don magique pour voler ceux qui en sont dépourvus. Il a agi avec une bêtise coupable qui a causé la mort d'un homme bien, et maintenant il se retrouve jugé pour meurtre. Cependant, je sais qu'il n'est pas un meurtrier. Je sais qu'il a agi sous le coup de la panique. Il s'est retrouvé pris dans un engrenage dont il n'a pas su se défaire. Ce n'est pas un assassin. C'est un accident. Un accident horrible, causé par une faute qu'il a commise et qui doit être punie. Je ne vous demande pas de le déclarer innocent, messieurs et mesdames les juges. Je vous demande de juger ce qu'il a réellement fait. Un acte stupide, malhonnête, brutal. mais pas un meurtre. L'homme se tourna vers son fils. « Dorian. » Pour la première fois depuis que Harry était entré dans le tribunal, l'accusé leva les yeux. « Dorian, je te demande pardon. Pardon de n'avoir pas su t'écouter. Pardon d'avoir sous-estimé tes difficultés. Je sais que tu as essayé de me parler. Je me rappelle chacune des paroles de ma part qui t'ont fait taire. Tu dois payer pour ce que tu as fait, tu le comprends ? Oui, je sais que tu le comprends. Mais je te promets que, quel que soit l'endroit où l'on t'envoie et la durée de ton absence, ta place sera gardée chez nous. Lorsque tu reviendras, nous serons là. Cette fois-ci, nous ne te laisserons pas tomber. Nous t'aiderons à reconstruire ta vie et à rester dans le droit chemin. » Il y eut un long moment de silence durant lequel le père et le fils se dévisagèrent les yeux mouillés. Enfin, Héraclès Onco se tourna vers la cour. « Je vous remercie, mesdames, messieurs les juges. » Et il se rassit. Il fallut plusieurs secondes au président pour se reprendre et annoncer que la cour se retirait pour délibérer. Aussitôt les magistrats sortis, le public bruissa de chuchotements excités. Harry détourna les yeux de la famille de l'accusé et son regard tomba sur le banc où se tenait l'épouse de la victime, entourée de ses enfants. Eux aussi tentaient de faire bonne figure. Il ne fallut que 20 minutes à la cour pour délibérer avant de rendre son verdict. Dorian Zonko fut condamné à 5 ans de détention à Azkaban. Les siens parurent satisfaits que le caractère involontaire de l'homicide ait été pris en compte. Ils ne pouvaient espérer de sentence plus clémente. Plus loin, Mrs. Whitehorn se laissa aller dans les bras de son fils aîné. Il ne semblait ni déçu, ni satisfait du verdict, juste soulagé que ce soit terminé. Les remous provoqués par le retentissant procès étaient à peine calmés que l'enquête de Rita Skeeter sur Aurélienne Flamel fut publiée. Elle fit état de dessous de table, mais aussi de chantage, concurrence déloyale, abus de pouvoir et comptabilité du budget du conseil de la guilde douteuse. Ce qui est bien avec elle, c'est qu'avec un tel éventail de choix, il y a forcément un peu de vrai, commenta Hermione. À son ton, Harry la soupçonna de ne pas entièrement approuver son action. Mais il n'eut pas le temps de s'y appesantir, car Ron le félicitait avec force tape dans le dos. Ils étaient tous les deux passés au Square Grimoire pour commenter l'article, et Harry les avait invités à rester dîner avec lui. Ginny, quant à elle, était cantonnée à Holyhead, le début de la saison de Quidditch étant imminent. Maintenant que le scandale avait été exposé sur la place publique, les langues se délièrent miraculeusement, et 10 jours plus tard, le brigadier Truston signifiait à Aurélienne Flamel qu'il était poursuivi pour fraude et abus de pouvoir. Harry croisa le policier devant l'ascenseur le lendemain et le félicita pour l'avancée de son dossier. « Je vous avais bien dit que les articles de Rita Skeeter avaient parfois leur utilité », répondit le brigadier, très satisfait. « Vous aviez totalement raison », concéda Harry en souriant. « Vive Rita Skeeter !»